Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 56. Du sujet des vertus. Le sujet des vertus est l'âme par le moyen des facultés. Quelles sont les facultés qui sont capables de vertu? Que la vertu réside principalement dans la volonté. 1. La vertu humaine est-elle dans la puissance de l'âme comme dans un sujet? Trois raisons nous démontrent que la vertu humaine réside dans les facultés de notre âme, et non dans son essence même. D'abord, la vertu est la perfection des facultés, la perfection est évidemment dans la puissance perfectionnée. Ensuite, la vertu est une habitude qui porte à l'action. Toute action appartient à l'âme par une puissance. Enfin, la vertu dispose au plus grand bien, le plus grand bien se trouve dans notre fin, à laquelle nous arrivons par les opérations de nos facultés. Note. Comme la couleur s'attache au corps par les surfaces, ainsi la vertu humaine tient à l'essence de l'âme par les facultés. Fin de la note. 2. La même vertu peut-elle exister dans plusieurs facultés? La différence des facultés entraînant la différence des habitudes, la même vertu ne peut exister également dans plusieurs facultés, mais elle peut y exister inégalement, de telle sorte qu'elle soit principalement dans l'une, et secondairement dans les autres, par manière de communication ou de disposition, car les facultés sont mues l'une par l'autre. Note. Les vertus morales, qui existent essentiellement dans la volonté, supposent dans l'entendement une certaine science, puisque la volonté doit agir selon la droite raison. De même la prudence, qui existe principalement dans la raison, existe aussi dans la volonté, dont elle requiert la droiture. Fin de la note. 3. L'entendement peut-il être le sujet de quelque vertu? Nous l'avons dit, la vertu est une habitude, or, les habitudes se rapportent de deux manières à nos actes. Quelques-unes nous donnent seulement la faculté de bien agir. La connaissance de la grammaire, par exemple, nous assure le moyen de parler correctement, quoiqu'elle ne nous empêche pas pour cela de faire des barbarismes et des solécismes. D'autres, non seulement nous procurent la faculté de bien agir, mais nous font bien agir en réalité. La justice donne plus que la faculté d'observer ses préceptes, elle porte à les garder réellement. Le mot « vertu » désignant ce qui rend bon l'homme et ses actes, les habitudes de cette dernière espèce ont seul droit au titre de vertu. Les premières, qui rendent une action bonne uniquement sous le rapport de la facilité d'exécution, c'est-à-dire d'une façon restreinte, ne méritent pas rigoureusement un tel nom. Un homme est-il vertueux parce qu'il est savant ou artiste? Non, mais, cependant, il a une bonté relative qui peut le faire appeler un bon grammairien ou un bon artiste. Sur ce fondement, on divise le plus souvent les sciences et les arts par opposition aux vertus, bien que, quelquefois aussi, on ne leur en refuse pas le nom, et alors le sujet de ces sortes de vertus est tantôt l'entendement spéculatif, tantôt l'entendement pratique. C'est dans ce sens qu'Aristote attribue à l'entendement la science, la sagesse, l'intelligence des principes et les arts eux-mêmes. Mais les vertus proprement dites ont toujours pour sujet la volonté ou une puissance mue par la volonté. S'il est vrai, en effet, qu'elle seule a le pouvoir de mettre en exercice toutes les facultés plus ou moins raisonnables de notre âme, toutes nos bonnes actions proviennent de sa bonté même, et, dès lors, les vertus qui font bien agir en réalité existent en elle ou dans une faculté mue par elle. Cela étant, l'entendement, en tant qu'il est mu par la volonté, peut devenir le sujet de la vertu prise dans le sens absolu. C'est de la sorte qu'il forme celui de la foi. N'est-ce pas la volonté qui le détermine à donner son assentiment aux vérités divines ? Chacun ne croit que tant qu'il le veut. L'entendement pratique est de même le sujet de la prudence, laquelle suppose la bonne disposition de la volonté à l'égard des fins qu'il convient de se proposer. 4. L'irascible et le concupiscible sont-ils le sujet de quelque vertu ? La puissance concupiscible et la puissance irascible peuvent être envisagées, ou simplement comme partie de l'appétit sensitif, ou dans leur rapport avec la raison, à laquelle elles participent et dont elles doivent suivre les ordres. En elles-mêmes, comme partie de l'appétit sensitif, elles ne sauraient être le sujet d'aucune vertu, mais, comme participant à la raison, elles peuvent servir de sujet à la vertu humaine. Ainsi comprises, elles sont le principe d'un acte humain. Ce qui prouve qu'il y a des vertus dans ces deux puissances, c'est que, quand un acte procède d'une puissance mue par une autre, il n'obtient sa perfection que dans le cas où ces deux puissances sont bien disposées pour le produire. Voulez-vous qu'un artisan vous fasse un ouvrage parfait ? Donnez-lui de bons instruments. Note. Sans doute le corps n'est pas par lui-même le sujet de la vertu, mais il en devient un instrument, lorsque la raison s'en sert pour les œuvres de justice. Les facultés de l'appétit sensitif deviennent ainsi, par leur conformité à la raison, le sujet des vertus morales. La puissance irascible et la puissance concupiscible, qui portent en elles-mêmes le foyer de la concupiscence, ne se soumettent pas à la raison sans résistance, elles ont besoin de certaines vertus pour lui obéir fidèlement. Fin de la note. 5. Les facultés perceptives sensitives sont-elles le sujet de quelques vertus ? Les facultés sensitives de la perception interne, comme l'imagination et la mémoire, sont le sujet de certaines habitudes, mais elles ne sont pas le sujet de la vertu elle-même. Qu'elles soient le sujet de certaines habitudes, cela est évident, car, à force de se rappeler une chose à la suite d'une autre, il se forme une habitude qui est comme une seconde nature en nous. Qu'elles ne soient pas le sujet de la vertu elle-même, cela n'est pas moins certain. La vertu, comme habitude parfaite qui ne saurait faire que le bien, existe dans les puissances où se trouve le dernier complément d'une bonne œuvre. Celles dont nous parlons ne font que servir d'auxiliaire à l'entendement par lequel on connaît le vrai, là seulement se consomme la connaissance. La vertu existe dans l'entendement lui-même. Note. On demandera peut-être comment l'appétit sensitif est le sujet de la vertu, tandis que les facultés sensitives perceptives ne le sont pas. La raison de cette différence, c'est que l'appétit sensitif est mu par la volonté qui consume en lui son œuvre, au lieu que les facultés sensitives de la perception intérieure sont plutôt motrices que mobiles à l'égard de l'entendement, auxquelles elles se rapportent comme les couleurs à la vue. L'œuvre de la connaissance se termine alors dans l'entendement, et voilà pourquoi l'entendement lui-même, la raison, est le sujet de la vertu. Fin de la note. 6. La volonté peut-elle être le sujet de quelque vertu ? Le moteur doit être susceptible de plus grande perfection que le mobile dont il dispose. La volonté est nécessairement plus capable de vertu que l'irascible et le concupiscible. Toutes les fois que nos facultés ne peuvent accomplir d'elles-mêmes une bonne action, elles ont besoin d'être perfectionnées par une vertu. À l'égard du bien proposé à la volonté par la raison et proportionné à sa nature, la volonté elle-même suffit, mais, pour celui qui en dépasse les forces naturelles, Par exemple, pour le bien divin, supérieur à toute la nature humaine, ou le bien du prochain que les individus ne recherchent pas naturellement, il est nécessaire que des vertus viennent lui prêter leur secours. C'est pourquoi, les vertus qui dirigent nos affections vers Dieu et vers le prochain, la charité, la justice et les autres, sont dans la volonté comme dans leur sujet. Note. Les vertus de la volonté, ce sont les vertus morales. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.